Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie. Bonjour, bienvenue dans l'émission Portrait d'artiste sur Radio Fadjet 94.2 FM. Aujourd'hui, je me trouve à la galerie Les Mordus, la galerie de Pascal Vautrin, artiste peintre. Donc Les Mordus, c'est une association 1901. Au moment où je passe, nous avons la chance également d'avoir l'artiste Tristan Muller qui est là. Donc bonjour à tous les deux tout d'abord. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. D'accord. Alors aujourd'hui, je vous rencontre, Pascal, pour que tu me parles un petit peu de ton association. Et si tu veux bien, si tu m'autorises, on peut peut-être commencer par Tristan, puisque c'est un artiste qui expose à la Galerie des Mordus. Oui, qui a exposé pendant 3 mois chez les Mordus. Donc, effectivement. Et puis là, il va changer de lieu d'exposition, mais il sera accueilli s'il le souhaite pour revenir exposer chez nous. Et effectivement, l'association accueille différents artistes. Il y a du turnover, il y a des gens qui arrivent, il y en a d'autres qui partent, ce qui est le cas de Tristan là actuellement. D'accord, alors tu vas nous reparler dans quelques minutes du fonctionnement de ton association des Mordus. Et alors Tristan Muller, donc tu es un artiste du cru local, tu viens d'où Tristan ? Moi je suis du nord du département, donc je suis plus côté Metz, mais je suis quand même en Meurthe-et-Moselle. D'accord, et ton domaine de création c'est quoi ? Alors moi je suis tourneur sur bois, donc je fabrique des objets en bois, beaucoup de vaisselle, un petit peu de stylos, de bijoux, d'objets décoratifs. D'accord. Principalement en bois, avec un petit peu tantôt d'incrustation de verre, galalite ou pierre précieuse. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais comme représentation principalement dans tes créations ? Alors, c'est beaucoup d'utilitaire. Donc, je fais surtout des choses qui servent. Moi, j'aime bien que ce que je fabrique, ça soit vraiment utile. Pour ça, je fais pas mal de vaisselle. Puis après, bon, il y a effectivement du bijou, du stylo, parce qu'il faut aussi des petites pièces pour tous les goûts. D'accord. Donc, c'est l'objectif, c'est que tes créations servent dans un usage quotidien ou ça reste un cadeau, un objet artisanal, artistique ? Oui, ça. Moi, j'aime que ce que je produis, ça serve au quotidien. Mmh. Après, il y a beaucoup de mes pièces qui sont souvent offertes en cadeau. Mmh. Mais je mets un point d'honneur à faire, on va dire, 90% de ma production d'objets vraiment utiles. Mmh. D'accord, donc tu peux nous redonner le détail des objets que tu crées ? Alors je fais beaucoup de vaisselle. Donc, du saladier, du bol, des assiettes, des mortiers, donc beaucoup d'accessoires pour la cuisine. D'accord. Il y a aussi du bijou, du stylo, un petit peu d'objets décoratifs, c'est assez varié. Alors en objet décoratif, ça peut être quoi par exemple ? Ça peut être des petites boîtes ou des champignons, des pommes, des poires, des objets qu'on va déposer sur un meuble d'entrée par exemple. D'accord, donc en bois, toujours en bois ? Toujours en bois, oui. Toujours principalement en bois. Principe. Je travaille un petit peu le verre, la galalite et la pierre précieuse, mais ma matière principale c'est le bois. Tu restes sur le bois, donc pierre précieuse, ça veut dire que tu vas incorporer un matériau comme celui-ci dans ta création en bois par exemple ? Oui, voilà, c'est ça, les autres matériaux que je travaille c'est pour venir en supplément, pour rehausser un peu mon matériau principal qui est le bois. Mmh, donc je travaille des verres matériaux, donc comme je dis, le verre, la pierre précieuse, que je viens incruster ou coller, de diverses façons, je viens les incruster sur mes pièces en bois. D'accord. Alors comment vous étiez rencontré avec Pascal Vautrin sur les Mordus ? Comment ça s'est passé, cette collaboration ? Sur les marchés, c'était à Villers. Château de Graffigny, on l'a découvert là. Parce que tu étais au château de Graffigny. Oui, j'ai fait deux éditions chez Graffigny. D'accord. Et là, vous vous êtes rencontrés tous les deux. Oui, tout à fait. On s'est rencontrés, on a discuté. Et puis, je trouvais son travail très intéressant, de belles réalisations et qui correspondait tout à fait à des lieux comme ici, au niveau des Mordus. D'accord. Donc, ce qui est permis, parce que aujourd'hui, pour voir tes objets, où est-ce qu'on peut les voir, en fait ? Tu as une page internet ou... Alors, bien sûr, je suis présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et j'ai ma page, mon site internet. Après, niveau boutique, là, j'en ai plus. En début d'année, en général, je me retire d'un peu partout pour remettre un peu à jour mon stock. Et puis, au fur et à mesure de l'année, je reviens un peu dans des boutiques. Mais c'est très. Le principe des boutiques comme celle-ci, c'est qu'il y a, comme Pascal a dit, il y a du turnover. On vient quelques mois, on part, on laisse la place à quelqu'un d'autre, on revient, on repart. Ça permet de présenter aussi différents beaucoup d'artistes différents, avec des matériaux différents. Et effectivement, c'est typiquement le fonctionnement de ce type de boutique, quoi, qui permettent à des artisans d'art de venir présenter leur travail dans de bonnes conditions, et que, où il y a un accueil. Et ça évite pour eux, des fois, d'être bloqués sur un marché pendant un week-end. Là, ils ont leurs pièces qui sont exposées pendant 3 mois. Ça fait déjà une belle visibilité. Oui. Alors pour conclure, peut-être, c'est, si tu veux rappeler le nom, parce que tu as dit que tu étais présent sur les réseaux sociaux ou Internet, tu as peut-être envie de donner le nom de ta page Internet où on peut revoir tes créations. Oui, alors moi, on peut me trouver sous le nom de la Tournerie Blackwood. Tournerie Blackwood. Blackwood, ça s'écrit comment, Blackwood? B-L-A-C-K-W-O-O-D. D'accord, Blackwood, donc black comme black en anglais, wood. Voilà, ça, c'est, comme ça... le bois noir en anglais, voilà. D'accord, Blackwood. .fr pour mon site internet, et puis bon, bah, sur Facebook, Instagram, on me trouve sous ce nom-là aussi. Sous Blackwood, on trouve aussi tes créations. Tournerie Blackwood, pour les deux. Ouais. Ok, ça marche, super. Bah. Enchanté d'avoir fait ta rencontre. Et puis, on va trouver tes œuvres où maintenant, là? Là, dans mon atelier ou dans une boutique comme Les Mordus dans mon village. Parce que j'ai monté aussi une boutique il y a quelques années dans mon village et j'y suis artisan permanent là-haut. Dans mon village à Auboué. À Auboué, oui. D'accord. Dans le nord du département. Dans le nord du département. D'accord. Oui. Super, bah, merci infiniment. Et bonne continuation. Voilà. Alors, on va continuer avec Pascal. Donc là, on est encore un petit instant avec la première pause musicale. Est-ce que, en quelques mots, tu pourrais nous présenter le fonctionnement de ton association Les Mordus? Alors, l'association Les Mordus, donc c'est un lieu où on accueille des artistes et artisans d'art. Actuellement, dans cette boutique-là, qui est rue Grande Rue au 19, à Nancy, on est 19 personnes qui présentons le travail. Donc 19 membres au sein des Mordus. Il y a 19 exposants qui présentent son travail. Et puis, comme je disais, on travaille avec des contrats. Donc les personnes sont là pour 3 mois, des périodes de 3 mois, qui peuvent être reconduits s'ils le souhaitent. Mmh. Et on est toujours ouvert aux propositions, aux personnes qui sont intéressées pour venir chez nous exposer. Bien sûr, il y a une liste d'attente, hein, on est quand même pas mal sollicité, mais voilà, on essaye d'harmoniser au mieux et de pouvoir proposer un panel assez large de produits à présenter. Oui, il y a beaucoup de choses, hein, effectivement, parce que je vois, il y a des arts visuels, il y a de la création artisanale, hein, il y a de la verrerie, donc des outils, des objets en bois, de la maroquinerie, c'est vraiment, et encore, hein, j'en oublie. Donc, c'est de l'osier aussi. Les domaines de création, oui, sont très... Oui, tout à fait. Et justement, c'est ce que l'on aime bien dans ce type de boutique. Et ça fait déjà pas mal d'années qu'on pratique dans ce domaine-là. Et on commence à avoir une expérience, hein, au niveau de l'association. On est plusieurs. Hein. Il y a, par exemple, une personne que je peux nommer, c'est Jeannette, donc Françoise Magali. Mmh. Qui fait là actuellement, qui présente toute une série de posters avec une personne, c'est Jack, ils sont tous les deux. Elle a fait tout le côté, le fond de la toile, et puis Jack, lui, il présente des personnages qu'il a dessinés, les loups. Mmh. Donc ça, c'est un travail qu'elle a fait. Elle fait aussi beaucoup de collages sur des toiles, sur des tableaux. Et donc, cette personne-là fait partie de l'association et qui contribue à ce que le lieu-là fonctionne bien. Au lieu de vie, d'accord. Oui. Voilà. Et donc, si tu as envie d'en parler, tu veux dire dans les grandes lignes, les modalités quand tu dis une liste d'attente, c'est combien de temps d'attente aujourd'hui un artiste, un créateur d'artisanat Des fois, ça peut être très rapide, en quelques semaines. Mais aussi, des fois, les attentes sont plus longues. On peut parler de mois parce qu'il y a beaucoup de personnes qui proposent leur travail. Et ça dépend des matières aussi. Mmh. Il y a des matières qu'on peut plus facilement exposer ensemble, qui ne se contrarient pas trop entre eux. Mais d'autres sont plus difficiles à faire venir deux personnes qui travaillent, par exemple... Le cuir, c'est quand même un matériau assez particulier, c'est beaucoup plus difficile d'en faire venir plus, alors que les céramiques, On a, par exemple ici, on a 6 céramistes avec des styles totalement différents, ce qui nous permet de pouvoir quand même les associer ensemble sans qu'il y ait de concurrence entre eux. Chacun y trouve son compte. D'accord. Donc là, les céramistes, il y en a, tu veux aussi dire un peu les céramistes qui sont au Mordu actuellement ? Oui, alors pour les nommer, on a donc Jean-Denis Mousty qui est donc de. Alors je ne sais plus, c'est pas très loin d'ici, près de Pont-à-Mousson, oui, dans le secteur de Pont-à-Mousson. On a Tatiana Alexandrova, qui elle est de Saint-Tray. On a Yves Botagizi, qui est de Jarville. Magali Carrière, qui est de la Meuse. Et pas que j'en oublie, Hélène Joffa, qui est de Nancy. Aussi. Donc voilà, dans les grandes lignes. Oui. Bon, sur les Laurence Krebs. Laurence Krebs, voilà, ouais, donc la sixième. Qui fait, c'est Cara Céram, donc qui fait aussi de la céramique. Et je pense ne pas avoir oublié quelqu'un. Et puis on a du bois, donc on avait Tristan. Et puis on a encore Guillaume. Guillaume, c'est d'Arbroche, qui est de Saint-Max, qui travaille le bois, tourneur sur bois. Olga, qui fait du crochet, donc qui fait des sacs en crochet, des plateaux, enfin des coffrets. On a aussi Angeline, souffleuse de verre, qui présente aussi son travail. Polo Galvao, qui est de Saint-Max. On est 3 de Saint-Max. On a Linda Lepage, qui fait des personnages des derviches tourneurs. On a aussi le cuir, comme je disais tout à l'heure, c'est Juliette Wolf, qui elle est installée à la Cité du Fer à Jarville. Là, on est justement devant une personne, d'accord, c'est qui fait des spatz, qui est de Metz. Donc, ce sont des petits oiseaux en céramique et qui plaisent beaucoup. Donc, il est chez nous, ça fait 3 mois. Là, il reste de nouveau pour 3 mois. Donc, ça s'appelle le spatz. Le spatz. Le spatz lorrain. D'accord. Voilà. C'est son nom d'artiste. C'est son. Lui, c'est Denis Hilt. Et le spatz lorrain, c'est le nom de son petit oiseau. Le petit oiseau, voilà, qui présente. Qui présente et qui fonctionne bien. Donc, il est chez nous encore jusque la fin mars. Et puis, il restera encore parce que ça marche bien et ça plaît bien. D'accord. Ça marche. Portrait d'artiste sur Fadjet. Retour dans l'émission Portrait d'artiste, toujours sur Radio Fadjet 94.2 FM avec Romain Marie et aujourd'hui en présence de Pascal Vautrin de l'association Les Mordus au 19 rue Grand Rue à Nancy. Voilà, qui nous présente. Donc on en était avant la pause à la présentation des différents artistes exposants. Donc je crois qu'il y en a encore quelques-uns dont tu nous as pas dit, tu nous as pas tout dit en fait. Non, Pascal. J'en ai gardé un petit peu pour pas que ça soit trop long. Donc, on a Natacha qui travaille donc des bijoux en céramique. D'accord. Donc, ce sont des pièces. Alors, c'est une particularité, c'est que tous ces émaux, c'est des pièces qu'elle va chercher dans la nature. Elle prend des pierres, elle les broie. Enfin, c'est très particulier. C'est très beau. Ça donne très beaux résultats. Ouais. Et elle est installée à la Cité du Fer. Et c'est vraiment magnifique comme travail. Et nous avons aussi Timothée Leboeuf qui, lui, travaille les résines. Donc, il a fait des petits personnages. Et puis, il a aussi toute une série de Bergamix, Bergamote. Donc, il y a actuellement, on en parle beaucoup puisque c'est les trentenaires de la Bergamote. Hein. Il y a une exposition. D'ailleurs, il expose à l'office de tourisme à Nancy, il a toute une vitrine du côté rue des Dômes, donc qui est visible de l'extérieur. Donc, ce sont des Bergamix qui sont liés à la bergamote. Hein. D'accord, c'est original, c'est rigolo, ces petits personnages. Et puis Lucie Devoile qui travaille l'osier, donc elle nous a amené des lustres. Que l'on met en présentation, plus des lampes de chevet avec du verre, un assemblage, et des petits luminaires. Donc. Et la quatrième personne donc, la quatrième personne, c'est Frida Soaz, donc, qui fait du dessin au crayon, des pièces magnifiques qui sont présentées, des insectes. Donc elle a... Oui, c'est très, très étonnant de voir les insectes en grand format comme ça, oui. Et qui sont représentés, on les identifie parfaitement, oui. Quoi, en fait. Hein. Oui. Par exemple, la coccinelle, elle est très réaliste, on a l'impression que c'est des photos. Oui, c'est vrai. Elle est très spécialisée dans les insectes, et elle a un très beau coup de crayon. Et ça, c'est au crayon de couleur. Crayon de couleur. D'accord. Très intéressant aussi. Oui. Donc là, je crois que j'ai fait le tour de tout le monde. Je n'ai oublié personne. Donc là, tu as 19 exposants dans ton... 19 exposants. Ici, là, au niveau du 19 Grand Rue, Les Mordus. Tout à fait. 19 exposants, ouais, d'accord. On peut aller jusqu'à 20. Mm-hmm. Bon, là, on s'est laissé un peu de marge, mais on peut avoir une vingtaine d'exposants. D'accord. Mm-hmm. Alors, comment ça t'est venu à l'idée, cette association, cette création d'espace pour les artistes, les artisans d'art? Ça c'est au moment où j'ai arrêté de travailler, j'avais pas envie de ne rien faire, donc je me suis intéressé à trouver des lieux d'exposition, on en a fait plusieurs, hein. On est allé à la Galerie 31, rue des Quatre Églises, on a été au passage des Dômes, et puis on s'est retrouvé après au local rue Saint-Dizier, et on aboutit ici, ça fait à peu près... quelques années, depuis 2018, que j'organise un peu ce type d'événement. D'accord. Au départ, c'était seul. Et puis après, j'ai trouvé des personnes qui m'aident, comme Jeannette, par exemple, qui maintenant travaille avec moi en binôme. Et on devrait, d'ici quelques temps, trouver des personnes supplémentaires pour faire partie du bureau de l'association. D'accord. Parce que l'association, pour le moment, elle s'appelle César, mais la boutique s'appelle Les Mordus. Mais on va changer de nom, on va enlever César, et ça sera l'association Les Mordus qui va remplacer César. Qui va remplacer César, voilà. D'accord. Donc c'est quelque chose là qui est imminent dans les semaines à venir. Parce que toi, Pascal, indépendamment donc, des Césars ou des Mordus, tu étais quand même impliqué, tu avais une curiosité de l'art, je crois que tu fais des actions aussi sur Saint-Max notamment. Oui, tout à fait. Et ça c'est vraiment, je dirais qu'à Saint-Max, la manifestation, le parcours d'artiste, c'est quelque chose que j'ai lancé en 2016. Donc ça fait déjà 10 ans, déjà que ça existe, pas mal la 10e d'années. Année, là, ouais. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que c'est en place, Mais on a eu la mauvaise période du COVID. 2020 fait que on a eu un arrêt et j'ai repris depuis l'année dernière. Mmh. Et cette année, je suis en préparation. Et là, par contre, c'est bon. Là, je suis assez seul pour organiser tout ça et j'aimerais bien justement conforter un peu une équipe pour justement s'occuper de cette manifestation qui est le parcours d'artiste sur Saint-Max. Qui, par exemple, l'an dernier, fait venir une centaine d'artistes sur la commune. Ah oui, impressionnant. Avec une vingtaine de lieux d'exposition, principalement chez les habitants, des gens qui ouvrent leurs portes, leurs jardins et qui accueillent des... Voilà. Donc j'ai toujours été un peu dans ce domaine-là, ce qui fait que ça m'amène assez facilement à faire venir du monde dans la boutique Les Mordus, comme on est ici, parce que je commence à avoir un réseau... au bout d'un moment, les gens te connaissent. Qui me permet d'organiser... Mais est-ce que cette passion pour l'artisanat, l'art, c'est quelque chose qui était en lien avec ce que tu faisais avant ta fin d'activité ? Ah, pas du tout. Non, ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai toujours été attiré par les peintures, par tout ce qui est artistique. Mais au niveau de mon métier, non. Moi, j'étais plus dans le traitement de l'eau... qui n'avait rien à voir avec ce type de lieu, quoi. Une passion personnelle, là. Voilà, c'est quelque chose de très personnel. Mmh. Et j'ai toujours rêvé de faire partie d'une équipe qui gère des lieux comme ici. Mmh. Donc il y a déjà le côté rencontre avec les personnes, les différents artistes, leur travail, qui nous expliquent leur travail. Enfin, il y a beaucoup de choses enrichissantes qui permet de donner envie de continuer, quoi. Oui, c'est sûr qu'il y a une sensibilité, il y a des particularités. La fibre artistique, elle n'arrive pas comme ça. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je reconnais que je suis assez attiré par tout ce qui est artisanat, tout ce qui est travail. Donc, tu mènes une vie tout à fait épanouissante, somme toute. Oui. Ce côté-là m'épanouit pas mal. Dans mon côté maintenant retraité, on va dire. Voilà, je suis bien occupé. C'est une activité, c'est bien finalement, retraité. Retraité du salariat ou du privé ou du public, mais en réalité, tu es actif finalement. Oui, je pense que ça me prend beaucoup de temps. Ça te prend du temps. Hein. Puis au niveau de l'asso, y a Jeannette qui, elle, on est actuellement tous les deux en responsabilité. C'est la partie trésorerie, elle c'est plus la partie organisation, enfin gestion un peu de manière générale. D'accord. Et moi j'ai la partie dans l'asso, la trésorerie, quoi. Comptable, chiffres. Comptable. D'accord. Et donc est-ce que l'association est ouverte? Est-ce que tu recherches de nouveaux membres? Est-ce que c'est en réflexion. On est en réflexion pour justement étoffer un peu l'équipe, qui gère ce lieu. Mmh. Hein, parce que les gens qui viennent ici, ils viennent, c'est sur contrat. Bien souvent, on les voit 3 mois, comme par exemple Tristan, qu'on a vu tout à l'heure. Mmh. Et puis après, on les revoit plus tard. Mais on aimerait bien fidéliser certaines personnes pour pouvoir les garder et venir en aide avec le bureau. Parce que si je comprends bien, il y a deux choses. C'est-à-dire, est-ce que tous les exposants sont forcément membres de ton association? Non. Alors, le lien qu'il y a, qui lie les exposants avec l'asso, c'est surtout le contrat qu'on a avec eux. D'accord. Donc là, on n'a pas de carte d'adhésion. L'adhésion, elle est sur un court temps de 3 mois ou d'un an, parce que les gens peuvent rester, mais c'est sur contrat, quoi. Donc ça, c'est un contrat, en fait, c'est-à-dire qu'il y a l'association d'un côté, donc pas tout à fait la vingtaine de membres que vous êtes tout aujourd'hui, à fait, et dans le cadre de l'association, vous avez cet espace au 19 Grand Rue, les Mordus, qui permet à des artistes, que vous sélectionnez au niveau de l'association, d'exposer, de présenter leur céramique, leur création, leur peinture, leur dessin, chacun son univers. Oui. Donc très ouvert en même temps. Alors il y a une cohérence du tout, on le voit bien en rentrant dans cette boutique en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe pour l'artiste qui veut exposer chez toi? C'est, il y a une proposition d'un contrat, en fait, mais qui ne fait pas de l'artiste un adhérent. Voilà, tout à fait. C'est une personne qui va, par contrat, il va se lier à un moment donné sur l'espace. D'accord. Et comment on fait pour connaître les modalités du contrat? Eh bien, il faut écrire à l'association. L'adresse, c'est César, donc c'est C-Z-A-R-T-S, Nancy attaché, @gmail.com. D'accord, donc c'est, si on te demande c'est par le mail... Lieu, voilà, c'est là, le lieu où il faut écrire par mail, donc, et ce qui nous permettra après de répondre en fonction des demandes. Et puis après, il y a, bien sûr, il y a une liste d'attente qui fait qu'on ne va pas forcément accepter tout le monde puisqu'on est quand même limité dans Donc ça dépend peut-être aussi des objets. Hein, si c'est des tableaux grand format, c'est sûr qu'il peut y avoir plus d'attente que si c'est des plus petits objets de création qui peuvent s'insérer plus facilement, peut-être. Oui. Donc là, qu'est-ce qu'ils font, les artistes? Envoient comme un portfolio, une petite présentation? Déjà une demande écrite. Nous demandant qu'ils sont intéressés. Bon, pourquoi pas mettre quelques photos, un portfolio, pour nous permettre de voir un peu le travail de la personne, de l'artiste. Et puis après, en fonction de, je dirais, l'harmonisation qu'on veut donner au local, on priorise certaines personnes par rapport à d'autres, bien sûr. Hein. Et puis après, on a une liste d'attente, on met de côté. Et puis quand on a besoin, on recontacte les personnes pour savoir s'ils sont toujours intéressés pour venir exposer dans ce lieu. Et là, la liste d'attente, ça peut être, quelques semaines, voire quelques mois. Selon les... Parce que là, tout récemment, là, avant de venir là en parler ensemble, j'ai eu un appel d'une personne qui est céramiste, qui souhaitait venir, mais vu le nombre de céramistes que l'on a, pour le moment, on va la faire patienter un peu, quoi. Donc, après, il y a des matières, comme je disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas toujours associer, puisque des fois c'est délicat, il peut y avoir une concurrence dans le produit proposé. Donc on essaye de bien faire attention à ça, en sachant que les céramistes que l'on a là, ils ont vraiment tous un style différent, donc ils ne sont pas trop en concurrence. Voilà, ils ont vraiment leur type propre de travail, qui ne correspondent pas du tout entre eux. Donc, ce qui fait que le public qui vient peut avoir un choix assez élargi sans qu'il y ait une concurrence dans le produit. Quoi. D'accord. Bon, bah, super. Donc après, pour le détail plus précisément des modalités, l'idéal, c'est d'échanger avec toi par mail. C'est de nous écrire, c'est vraiment la façon la plus pratique et la plus facile à gérer pour nous de recevoir des demandes, et puis après, on contacte les gens. D'accord. Donc, on arrive au mot de conclusion. Bah, si tu veux, je te laisse le mot de la conclusion. Pascal, qu'est-ce que tu veux dire pour conclure cette émission? Eh bien, je suis très content d'avoir Radio Fadjet qui est venu nous faire ce petit micro-trottoir. Voilà, l'émission Portrait d'artiste est terminée pour aujourd'hui, présentée par votre animateur favori Romain Amary, que vous pourrez retrouver le premier jeudi de chaque mois à l'entour de 17h sur 94.2 FM, Radio Fadjet, bien sûr.